quatre qualités. Bahá'í Yola, 1817-1892. Il y a quatre qualités que j'aime voir se manifester chez les gens. D'abord, l'enthousiasme et le courage. Deuxièmement, un visage rayonnant illuminé par le sourire. Troisièmement, qu'ils voient toutes choses à travers leurs propres yeux et non à travers les yeux d'autrui. Quatrièmement, la capacité à mener à bien une tâche, une fois commencée, jusqu'à la fin. Bahá'u'lláh, 1817-1892.